Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Le président du parti CNL, issu du congrès de Ngozi, accuse les récents mandataires de ce parti d'avoir volé les biens à la permanence du dit parti. Une responsabilité à chercher du côté des nouveaux organes qui ont défoncé les portes pour accéder à cette permanence, rétorque l'honorable Agathon Rwasa. La construction des raffineries de minerais, l'exploitation et la transformation des minerais industriels en produits finis sont entre autres points du mémorandum d'entente signé ce samedi entre le Burundi et la Tanzanie. Le Burundi abrite dès lundi 1er avril pour la deuxième fois consécutive le tournoi mondial de tennis. Une cinquantaine de joueuses sont attendues et c'est du 1er au 14 avril à l'entente sportive de Bujumbura. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour débuter cette édition. Le président du parti CNL, d'après le congrès récemment organisé en province Ngozi, indique que des enquêtes continuent pour d'éventuelles poursuites en ce qui concerne ce qu'il qualifie de biens de son parti volés par les récents mandataires. Au cours d'un point de presse ce samedi, Nestor Gil-Kwishak a dit que son parti entame un processus de réconciliation avec tout membre qui le voudrait. Il admet que sa formation politique reste toujours de l'opposition. On l'écoute. Le parti CNL profite de l'occasion pour donner un clin d'œil à quiconque tentait d'usurper ou d'utiliser frauduleusement les instruments, insignes et symboles du parti, qu'il s'expose à des sanctions et poursuites judiciaires. La réconciliation étant progressive, le parti CNL encourage tout militant à tendre la main à toute personne ou militant pour une rapide et meilleure consolidation du parti. Vous venez d'évoquer la réconciliation avec tout membre qui le voudrait du parti CNL. Et vous le ferez par quels moyens? Ce que nous allons faire, vous savez, depuis la tenue du congrès d'Ngozi jusqu'aujourd'hui, nous avons déclaré officiellement que les portes sont entrouvertes pour tout militant, qui qu'il soit, du parti CNL qui veut contribuer dans le triomphe du programme que le parti CNL s'est tracé. Il se pourrait que certains adeptes de l'honorable Agathon Rwasa s'inquiètent pour leur sécurité. Est-ce que vous les tranquillisez que ce ne sera pas le cas? Je vais vous dire une chose. Normalement, on ne milite pas derrière l'opinion ou la vision d'une personne ou d'une personnalité. On milite derrière l'opinion et le programme politique d'un parti politique. Personne ne va vraiment les malmener ou les harceler, je vous rassure. Un message que je lance solennellement, un message d'unité. Le parti CNL est connu comme l'un des partis de l'opposition au Burundi. Est-ce que vous restez sur la même position aujourd'hui? Le statut du parti CNL, c'est d'être l'opposition, le parti d'opposition principale dans ce pays. Nestor Gil-Kwishak, président du parti CNL, d'après le congrès récemment organisé en province, Ngozi répondait aux questions d'Alain Désiré Boukeneza. En réaction, l'honorable Agathon Rwasa trouve que la réconciliation dont parle Gil-Kwishak reste impossible. Il évoque ici les Inyangamugayo qui ont été emprisonnés après le congrès tenu à Ngozi et craint que cette situation n'ait d'autre visée que de le poursuivre pour rien. Rwasa indique que le nouvel organe mis en place dans ces circonstances ne peut pas prétendre se réclamer de l'opposition. En ce qui concerne les biens, il dit que la responsabilité est à chercher à ces organes qui ont défoncé les portes en vue d'accéder à la permanence. Suivez. Après la comédie d'Ngozi, M. Nestor a été plutôt quelqu'un qui force tout. Il a défoncé l'entrée, les portes de la permanence. Et je pense que celui qui a défoncé, qui a cassé les fenêtres et autres, c'est lui qui est responsable de tout ce qui serait manquant. Sinon, qui ne sait pas que depuis quelques temps, avec l'aide de la police, on a toujours fait la chasse à l'homme contre quiconque s'approchait de la permanence. À ce moment-là, qui serait responsable de tout ce qu'il raconte? Est-ce que ça ne serait pas plutôt une façon plutôt de créer une certaine opinion pour que si demain après demain il use à celui-ci, à celui-là, on puisse leur accorder du crédit? Et de plus, comment est-ce qu'il ose parler de réconciliation lorsqu'il sait très bien qu'ils ont usurpé tout avec l'aide et la collaboration de ceux qui gèrent le parti et le pouvoir actuel? Est-ce qu'il va réconcilier ceux-là qu'il a conviés à sa comédie d'Ongozi le 10 mars avec qui? Avec les Inyangamugayo qu'il a pourchassés sur tout le territoire national, qu'il a fait emprisonner à Muramvya, qui à Kayanza, qui séquestré à Ngozi et ailleurs. Je pense que il n'est pas de nature à réconcilier les gens. Il cherche la tête de Ouassa, à défaut, le faire incarcérer pour des raisons qui n'en sont pas du tout, juste pour conforter le pouvoir qui le manipule. Il ne peut nullement prétendre être dans l'opposition. Ça serait plutôt à l'heure. Et on ne tromperait que ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe dans ce pays. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. La coopération bilatérale dans le secteur minier entre la République du Burundi et la République unie de Tanzanie conduira les deux pays au développement lors de l'adoption et signature du plan d'action pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente à Bujumbura ce samedi. Ibrahim Wizeye, ministre burundais ayant les mines dans ses attributions, a rappelé que le secteur minier était inscrit parmi les secteurs prioritaires contribuant de manière significative au développement socio-économique du Burundi. On l'écoute au micro d'Omer Douayou. Un mémorandum d'entente a été signé le 16 juillet 2021 entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République unie de Tanzanie pour la coopération dans le secteur minier. Le mémorandum d'entente est basé sur les objectifs de renforcer la coopération existante entre les parties dans le secteur minier. En particulier, la construction des raffineries de minerais, d'échanger les techniques de prospection, de recherche et d'exploitation minière, de développer, exploiter et transformer les minéraux industriels en produits finis pour avoir de la valeur ajoutée, de renforcer la coopération dans le commerce des minerais et de renforcer les capacités dans le domaine de recherche géologique et minière, méthodes et techniques et minières, enrichissement minéral et analyse de substances minérales et économie minière. La présente réunion a été organisée en vue de recevoir le rapport de mise en œuvre du mémorandum d'entente par le comité technique conjoint, fournir des lignes directrices et des directives au comité technique conjoint en ce qui concerne la mise en œuvre des activités du présent mémorandum d'entente et adopter et signer le plan d'action pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente. Faisant suite au rapport des différentes missions effectuées en République unie de Tanzanie par les membres du comité technique conjoint et d'autres experts, nous constatons que des progrès significatifs ont été réalisés entre nos deux gouvernements pour la coopération dans ce secteur. Ibrahim Wizeye, ministre burundais ayant les minerais dans ses attributions. Je vous l'annonçais en titre début lundi 1er avril à Bujumbura du tournoi international féminin de tennis baptisé la Women World Tennis Tour 2024. Dans une conférence de presse tenue ce samedi, Maître Gilbert Niwigigwe, président de la Fédération burundaise de tennis, a précisé que 57 joueuses provenant de 27 nationalités sont attendues. La burundaise Sada Nahimana, championne nationale, défendra elle aussi les couleurs nationales et le tournoi se déroulera à l'Entente sportive de Bujumbura du 1er au 14 avril de cette année. Suivez. Le tournoi est réparti sur deux semaines. La première semaine commençant le 1er avril jusqu'au 7 avril et la seconde semaine du 8 avril au 14 avril 2024. Et à la fin de chaque semaine auront lieu les cérémonies de remise de trophées. Les matchs, bien évidemment, auront lieu toute la période de 9h à 17h ici au terrain de l'Entente sportive de Bujumbura. Pendant deux semaines donc, le Burundi sera sous les feux de l'actualité sportive mondiale. Et pour rappel, le tournoi sera retransmis en direct et en ligne sur les canaux officiels de l'ITF et certains canaux de diffusion burundais. Il s'agit donc pour nous d'une reconnaissance des instances tennistiques internationales pour les efforts que la Fédération de tennis du Burundi ne cesse de déployer pour développer le tennis dans son ensemble. En tant que président de la Fédération, nous nous réjouissons de ce pas franchi. Parmi les joueuses attendues figurent bien évidemment notre championne nationale Sadena Imana, qui est ici, qui aura le privilège de défendre les couleurs nationales dans son propre pays. Sans oublier la tenante du titre, Alice Robe, la française, qui aura aussi la lourde tâche de garder son titre. Nous nous attendons donc à des matchs bien relevés, avec à la clé un beau spectacle. J'invite aussi le public à venir nombreux admirer le beau jeu. Avec la collaboration de Visit Burundi, nous avons voulu aussi, si besoin y avait, démontrer que le sport en général, le tennis en particulier, constitue un élément majeur de promotion du tourisme au Burundi. Je remercie vivement toutes les joueuses qui ont répondu présent. Sans elles, on n'aurait pas pu avoir un spectacle aussi beau. Maître Gilbert Niwigigwe, président de la Fédération burundaise de tennis. Le problème répétitif de manque d'eau potable en mairie de Bujumbura va bientôt se terminer. Le porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines tranquillise lors de l'émission publique ce vendredi en province. Karusi Félix Ngendabanyikwa a informé que les travaux d'aménagement des sources d'eau dans les communes Isare Mubimbi, Matiazo et Mutambu vont se clôturer dans un mois et la mairie sera bientôt alimentée. Suivez-le. Traduit en français par Omer Douayo. En ce qui est du manque d'eau, vous avez précisé surtout en mairie de Bujumbura. Nous sommes au courant de ce problème, mais au niveau du ministère, nous sommes à l'œuvre. C'est pourquoi le ministère a déjà annoncé qu'il y a des travaux d'aménagement des sources d'eau sur les collines surplombant la mairie de Bujumbura, surtout dans les communes de Matiazo, Isare, Mubimbi et Mutambu. En ce moment, je vous informe que les matériels sont déjà là pour la construction des caniveaux. Sur le programme, nous avons un délai d'un mois seulement pour alimenter les quartiers de la mairie de Bujumbura en eau potable. Nous tranquillisons les habitants de la mairie de Bujumbura malgré la vétusté des tuyaux qui sont installés depuis la période coloniale. Ce problème qui était répétitif sera bientôt terminé. Nous comptons même aménager un autre centre d'eau potable du lac Tanganyika à Nyabugete. Tout cela dans le but de vider la question de la pénurie d'eau en mairie de Bujumbura. Parlons cette fois-ci électricité en province Rumonge. Les activités nécessitant le courant électrique dans les quartiers Birimba et Mugomere sont à l'arrêt depuis plus d'un mois. À la régie des eaux, l'on informe être à l'œuvre pour résoudre ce problème. Le point avec Placide Niomungere. Différents moulins, postes à souder, frigos, tondeuses ou même d'éclairage domestique à partir du courant électrique fourni par la régie des eaux sont à l'arrêt depuis plus d'un mois dans certains coins des quartiers Birimba et Mugomere de la ville de Rumonge. Des sources sur place dans ces quartiers parlent d'un problème survenu après qu'un transformateur électrique alimentant ce coin ait été endommagé suite probablement à une surcharge. Ceux-là, dont les activités dépendent de la disponibilité du courant électrique, disent qu'ils n'ont plus de clients, alors que certains d'entre eux doivent payer le loyer. Ils demandent à la régie des eaux de renormaliser la situation. Au niveau de la régie des eaux, Centre Rumonge leur assure que la solution à ce problème est pour bientôt, sans plus de précision. Placide Niomungere de Rumonge, rendons-nous un peu plus au centre dans la capitale politique Gitega pour parler de cette réapparition des cas de vol des compteurs dans certains quartiers de cette ville de Gitega. Trois compteurs d'eau ont été déjà volés au quartier Yoba au cours de cette semaine. Le chef de ce quartier demande à la population de veiller jour et nuit pour arrêter ce vol. Quant à lui, le chef d'antenne de la régie des eaux, région centre-est, dit qu'il est difficile de savoir ce à quoi servaient les compteurs volés, du moment que personne des auteurs de ce genre de vol n'a encore été attrapé. Pour en fournir des explications, les détails avec Gérard Nibigida. Selon le chef du quartier Yoba de la ville de Gitega, Jimmy Kwizera, 3 compteurs d'eau ont été déjà volés dans son quartier au cours de cette semaine qui touche à sa fin. Et à la colline Rukoba, frontalière au quartier Yoba, un compteur d'eau a été volé à l'école technique secondaire David et Michael Medokwibuka, comme l'indique le directeur de cet établissement. Ainsi donc, le chef du quartier Yoba demande à la population de veiller nuit et jour pour que les compteurs d'eau ne soient plus volés et invite la même population à les protéger par des constructions métalliques appropriées. Et à la police à Gitega, l'on indique que ces jours-ci, beaucoup de gens viennent solliciter les attestations de déclaration de vol des compteurs d'eau pour pouvoir acheter d'autres compteurs à la régie des eaux. Mais la police ne sait pas encore ce à quoi servent ces compteurs d'eau volés. Le chef d'antenne de la régie des eaux, région Centre-Est, Jean-Claude Manirakiza, dit qu'il est difficile de connaître la finalité de ces compteurs d'eau volés du moment que personne des auteurs de ces vols n'a encore été attrapé pour qu'ils donnent des explications relatives. Jean-Claude Manirakiza lui aussi demande à la population de veiller jour et nuit pour que le vol des compteurs d'eau soit éradiqué et conseille à la même population lui aussi de protéger ses compteurs par des constructions de boîtes métalliques et des constructions en briques cuites, ciment et sable avec des cadenas forts, mais aussi en plaçant des compteurs dans des lieux dont l'accès est difficile. Le vol des compteurs d'eau avait aussi fait parler de lui au quartier Magarama de la ville de Gitega vers la fin de l'année dernière. Depuis Gitega, Jeanne Wigira pour la radio Isanganiro. À 18h15 dans le studio de la radio Isanganiro, rendons-nous cette fois-ci au nord du Burundi en province Kayanza pour parler de l'administration communale de Gahombo qui s'inquiète beaucoup plus des mouvements de va-et-vient des adeptes et des ébis observés à la colline Businda de cette commune. Sylvestre Nhunzwenaya, administrateur communal, indique en plus de différents objets utilisés pendant la célébration eucharistique, ces adeptes se munissent des lance-pierres et demandent à ses dirigeants d'informer l'administration et la police de la présence de ses fidèles. Le point avec Patrick Saint-Guillaume. Selon des informations fournies par Nyanduiko, le chef colinaire Businde, il y a 3 semaines qu'il s'observe des mouvements de va-et-vient des adeptes des ébis à cette colline. Ces informations sont confirmées par Sylvestre Nunzwenayo, administrateur communal Gahombo. Celui-ci fait savoir que ces adeptes des ébis en provenance de différents coins du pays cherchent toujours à se rassembler dans l'ancien lieu de culte qu'il qualifie de lieu sacré, précise cette autorité communale à Gahombo. Sylvestre Nunzwenayo indique que l'administration organise ces jours-ci des réunions à la colline Businde auprès de la population pour la sensibiliser à dénoncer ces personnes qui se réclament adeptes des ébis afin qu'ils soient arrêtés et poursuivis. L'administrateur communal Gahombo s'inquiète que ces adeptes des ébis puissent perturber la paix et la sécurité à Gahombo, expliquant qu'ils se déplacent munis des lance-pierres, des photos sur lesquelles sont dessinés des bâtons et des fusils. Sylvestre Nuzwenayo, administrateur communal Gahombo, précise également que la semaine passée, ces adeptes des ébis ont infligé des coups et blessures à l'un des membres du comité mixte de sécurité à Businde jusqu'à qu'il soit hospitalisé. Signalons que le lieu de culte des adeptes des ébis à Gahombo a été fermé le 13 mars en 2013, où d'ailleurs certains d'entre eux ont été tués dans des échauffourées qui les opposaient avec des forces de l'ordre. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganil. Merci à Patrick Nsengiumba pour toutes ces précisions. À 18h17 dans le studio de la radio Isanganiro, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi cette édition. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de la presse avec Jean Bosco Douiman. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Le réseau panafricain de solidarité des partis de l'opposition à la rescousse d'Agathon Rwasa rapporte le journal Iwachu, citant un communiqué de cette plateforme datant du 27 mars 2024. Son confrère précise que les leaders des partis de l'opposition kényan, ougandais, tanzanien rappellent leur déclaration du 9 mars 2024 où ils appellent le gouvernement burundais à respecter la constitution et les lois du pays ainsi que les pactes régionaux et internationaux dont le Burundi est signataire. À travers toujours la déclaration du 9 mars, poursuit cet hebdomadaire, il demande au gouvernement burundais de cesser de s'ingérer dans les affaires internes du principal parti de l'opposition, le CNL. Une sortie qui vient après que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique ait entériné l'éviction d'Agathon Rwasa à la tête du Parti Congrès national pour la liberté CNL, rappelle le journal Iwachu. Monter des eaux du lac Tanganyika, refouler l'eau pour éviter la perturbation de la navigation, explique un capitaine ingénieur de navigation dans les colonnes du journal Burundi Echo. Georges Rukere considère la montée des eaux du lac Tanganyika comme un phénomène naturel pouvant perturber le transport lacustre. Il note que, bien que le port de Bujumbura ait été construit à un niveau bas, il y a moyen de le protéger comme on est en train de le faire à l'avenue de la plage en remblayant les alentours du port, ce qui permettra de continuer la navigation et d'éviter le chômage des personnels des bateaux et des dockers. Vers une autonomisation des jeunes et des femmes des milieux ruraux, annonce l'agence burundaise de presse. En effet, souligne ce journal, 39 000 emplois pour jeunes, la création de 7 840 micro et petites entreprises rurales viables par les jeunes et les femmes individuellement ou en groupe, ainsi que l'amélioration de l'état nutritionnel pour 51 000 ménages avec des enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréation, font partie des prévisions du programme de développement de l'entrepreneuriat rural PRODER qui va être mis en œuvre dans 12 provinces du Burundi. Avec un financement d'à peu près 90 millions de dollars américains, la BP précise que ce programme interviendra dans les provinces de Karusi, Muramvya, Gitega, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Bubanza, Chibitoke, Rutana, Ruyigi, Makamba et Bururi. Revue de la presse. Des apatrides résidents à Rumonge souhaitent se faire recenser, rapporte l'agence Net Press. Au moment où se déroule un recensement des étrangers et des réfugiés à travers tout le pays, ce quotidien indique que ces apatrides composés des Omanais résidant à Rumonge et évalués à une trentaine de ménages demande à être recensé afin d'avoir des documents qui les identifient comme des personnes qui sont à la recherche de la nationalité omanaise. D'après toujours ce quotidien en ligne, Oman a refusé de les reconnaître comme des citoyens omanais. Net Press signale que l'OHCR, le gouvernement et le pays d'Oman travaillent ensemble pour rechercher la nationalité de ces personnes qui se sont installées dans les principaux centres de négoce du Burundi il y a plus de 2 siècles. Note encore son confrère. Enfin, harcèlement de rue, ce n'est pas drôle du tout, note un blogueur du collectif Yaga. En effet, écrit-il, le 21 mars, la nouvelle d'un jeune homme qui a éjaculé sur une dame en plein marché public au Kotebu a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Contre toute attente, regrette ce blogueur, cette infamie a été tournée en dérision par beaucoup. Pour ce blogueur, il n'y a pas de quoi s'amuser de ce comportement abject, car les harceleurs sont des malades mentaux et par conséquent, ils représentent un danger pour la société. Il termine son billet en faisant remarquer que le harcèlement de rue est puni par la loi. En effet, dans la loi numéro 1/27 du 29 décembre 2017, portant code pénal du Burundi, l'article 572 explique ce qu'est un acte d'attentat à la pudeur et l'article 586 ce qu'est le harcèlement sexuel et le corollaire de peine qu'endure le coupable. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.